2009 pour 2010. Toujours du 45, man. Dossé, toujours la famille, Esperados. Les basses mousses partent de ma bouche comme du canon d'un Glock. Monnaie dans le crâne, je n'ai peur de personne donc je me promène sans armes. Tous ceux qui me connaissent le savent, je suis d'un naturel plutôt calme. Mais quel est le prochain fils de l'âge irrespectueux dont la vie te fera basculer dans le drame. Crapuleux dans l'âme, l'envie de se venger me ronge comme un cancer. Je dois retourner au bled pour prier sur la tombe des ancêtres. Obligé de brider mes idées pour ne pas attiser leur peur. Dis-leur qu'ils m'auront si profond dans le cul que je vais même frôler leur cœur. Ne compare pas à tous ces renois à crête qui nous rendent leur histoire. Chaque jour un combat check, ma peau d'ébène, mes os d'ivoire. Tu m'excuses pas de tout faire en grand. Je dois tenir ça de mes origines, de l'Égypte antique. Quand les chines, je laisse ça au but. Je préfère la folie du militantisme. Parlons peu, parlons chiffres. Dis-moi quelle quantité de CC, d'héros et de shit. Faudrait que je bibi pour pouvoir investir dans des ogives. Je suis pharaonique prototype. Avec le royal suite logique. Les vrais OG sont ceux qui se projettent et cogitent. Yeah. Crime, arnaque, botanique et crime. Je suis de la parabellum, G-man. Bienvenue dans la matrice. Dis-leur qu'on gère les ports, qu'on transite comme l'argent de la drogue à travers les quartiers de la ville, man. Bienvenue dans la matrice. Orléans 45 000, man. Tu connais la matrice. On fait le mal que Dieu nous guide, man. Tu connais la matrice. Pour voir ce que j'ai dans le cœur, t'aurais plus vite fait m'ouvrir la poitrine. Desperado, c'est la famille. Bienvenue dans la matrice. Que Dieu bénisse mes projets et qu'il me pardonne mon train de vie. Je m'occupe de la gestion des lovés. Je suis venu délivrer personne, j'ai déjà ma propre âme à sauver. Mon cœur n'a pas besoin de ton amour, ni mon ego, ton respect. Donne-moi juste ton attention, je vais te faire cracher tes espèces. Ils me croient tous foutre, rappelez ce que je rappe. De vouloir braquer lors du pape, se demande pourquoi ma rage est palpable. Point. Mais je vais te dire ce qui tue l'homme nègre. Toujours ouvrir ses bras au lieu de fermer ses poings. Je n'oublie pas d'où je viens ni où je vais, même quand j'ai la bite dans une joie. Si tu veux savoir qui je suis, regarde avec qui je traîne. Regarde aussi le visage effrayé de ceux qui me craignent. Qui guette mon équipe sur la piste, l'air de se dire mais pour qui ils se prennent. Mais on est hal. Si le soleil te chauffe le crâne, nous c'est la plante des pieds mal. On est hal. Je gratterai jusqu'au dernier sens. Laisserai Marianne avec une feuille de vin sur le sexe. Pour tout ce qu'elle a pris à mon continent. Dites à Sarkozy de pas ma finir en justice. Mais bien sûr que j'aime la France. De toute façon, je peux pas baiser. Quand y'a pas de sentiment. Arnaque, botanique et crime, je suis de la parabellum, G-man. Bienvenue dans la matrice. Dis-leur qu'on gère les ports, qu'on transite comme l'argent de la drogue à travers les quartiers de la ville, man. Bienvenue dans la matrice. Orléans 45 000, man. Tu connais la matrice. Fais le mal que Dieu nous guide, man. Tu connais la matrice. Pour voir ce que j'ai dans le cœur, t'aurais plus vite fait m'ouvrir la poitrine. Desperado, c'est la famille. Bienvenue dans la matrice. Rageur, efforcez-vous de jacter tant que ça vous donne la trique. Prononcez le blast, faites grossir la matrice en faisant de la pub gratis. Massez encore pas après la queue, non. Après les tues, cesse de faire la salope. Fais au moins la pute, ça sera plus lucratif. On pose, trouve les bons coups quand les autres cherchent les bonnes excuses. Assume nos torts, pas comme les ex-poucaves qui esquivent la cave en faisant sable les frères muses. A tous mes enfermés qui cherchent comment faire mur. Quand un dossier chargé comme l'estomac d'une mule est le seul qui s'accumule. Stop nous dans notre avancée. Tu pourras dire aux anges du ciel que t'as jamais vu le mal d'aussi près que dans les yeux de ceux qui t'ont crossé. On se pointe sans prévenir comme un crochet. Parabellum 45, la forteresse. Fuck le reste, on force le respect. Oh, crime, arnaque, botanique et crime. Sud de la parabellum, man. Bienvenue dans la matrice. Dis-leur qu'on gère les ports, qu'on transite comme l'argent de la drogue à travers les quartiers de la ville, man. Bienvenue dans la matrice. Orléans 45 000, man. Tu connais la matrice. Fais le mal que Dieu nous guide, man. Tu connais la matrice. Pour voir ce que j'ai dans le cœur, t'aurais plus vite fait m'ouvrir la poitrine. Desperado, c'est la famille. Bienvenue dans la matrice. Bienvenue dans la matrice. Arnaque, botanique et crime. Je suis de la parabellum, G-man. Bienvenue dans la matrice. Dis-leur qu'on gère les ports, qu'on transite comme l'argent de la drogue à travers les quartiers de la ville, man. Bienvenue dans la matrice. Orléans 45 000, man. Tu connais la matrice. Fais le mal que Dieu nous guide, man. Tu connais la matrice. Pour voir ce que j'ai dans le cœur, t'aurais plus vite fait m'ouvrir la poitrine. Desperado, c'est la famille. Bienvenue dans la matrice. Bienvenue dans la matrice. Yeah, par l'X-Mantis. Desperado, mixtape, NAR, Chilo. Parabellum Corp, la team qui vous a mis tête. D'accord. Prod Fazer à la courbe. Donc, c'est la famille. Desperado. Toujours du 45, man. Toujours du 45, man. Toujours du 45, man. Toujours la famille. Toujours.